Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Tout étudiant de l'Université du Burundi est libre d'adhérer dans des partis politiques, mais cela ne doit pas entraver le déroulement des activités académiques ou toucher des étudiants apolitiques, suggère un expert en résolution pacifique des conflits. Près de 500 cas de violences faites aux femmes et aux filles ont été répertoriés en 10 mois en province Cibitoke. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, on vous parlera également des grognes des riziculteurs de la marée de Nyakijima 2 en province Ngozi. C'est suite au tarissement d'eau. Vous l'entendrez dans cette édition mise en nom de par Anselme Irambona. Bienvenue encore une fois. Un étudiant de l'Université du Burundi a le droit d'adhérer dans un parti politique pourvu que cela n'entrave pas le bon déroulement des cours. Et cet étudiant ne doit pas brandir son appartenance politique pour chercher des privilèges selon des explications de Rémi Havialiman, expert en gestion pacifique des conflits. Il le dit après que des étudiants de l'Université du Burundi aient déploré des activités politiques qui se déroulent dans les campus, surtout des réunions, disent-ils, perturbant le bon déroulement des activités académiques. Rémi Havialiman appelle les autorités académiques à veiller sur cela pour que l'université soit réellement un endroit où même un étudiant apolitique puisse évoluer facilement. On l'écoute. La politique est l'un des droits auxquels un étudiant peut accéder. Le milieu académique, c'est un milieu où plusieurs personnes provenant de plusieurs croyances, tant religieuses que politiques, diffère. Alors, si cette fois-ci, le milieu académique devient l'application de la politique, là alors, les problèmes peuvent naître. Les divergences peuvent provenir du fait que cet étudiant qui fait partie des organes du parti politique, en fait, de quels organes ne devraient pas avoir l'intérêt d'application à l'université. Et si cette fois-ci l'étudiant vient à faire en sorte qu'il se considère comme responsable du parti en dehors, mais aussi à l'intérieur de l'université, là le problème naît. D'abord l'anarchie, parce que ces deux structures différentes qui se mélangent, l'étudiant risquera de prendre tout le monde comme ses subalternes, parce que étant du parti au pouvoir, et lequel parti est censé diriger toutes les institutions, il peut donc considérer les autorités académiques comme ses inférieurs, c'est ceux qui doivent exécuter ses ordres. Deuxièmement, c'est lorsqu'il veut prévaloir ses droits politiques à l'Université du Burundi. Par exemple, si l'accès aux différents avantages ou services sociaux s'établissent ou se mettent sur place en relation avec qui est qui par rapport à l'appartenance politique, là vous comprenez que ça devient compliqué. Je me dis donc que les différentes plaintes résultent du fait qu'il y a eu déplacement de l'application du politique par rapport au milieu académique. Donc s'il y a une sorte de sélection, exclusion en considération l'appartenance politique, là, ce serait un faux pas appliqué par les académiques et les conséquences seront très graves. Il faudrait faire en sorte que tout étudiant se sente d'abord étudiant parce qu'il est à l'université, parce que principalement, il faut suivre les cours jusqu'à la sortie. Rémi Havialiman, expert en gestion pacifique des conflits, au micro de Sheila Irambona. Et sur ce, le recteur de l'Université du Burundi rejette les informations selon lesquelles des activités politiques sont organisées dans les campus de cette université. Dr Audace Manirambona indique que s'il advenait que ce soit le cas et serait organisé en clandestinité, il reconnaît cependant que les activités politiques ne sont pas permises dans les campus. Poursuivons cette édition. L'École normale supérieure ENES a publié pour la troisième fois les résultats des recherches menées dans le domaine scientifique, dont l'agriculture, l'environnement et la littérature. Dans un colloque de vulgarisation de ces résultats, il a été démontré qu'il est possible de rendre fertile le sol par les vermicomposts fabriqués à partir des déchets des végétaux et bétail. La directrice générale de l'École normale supérieure se dit satisfaite des résultats atteints qui peuvent être une source d'inspiration au lauréat des universités pour l'émergence du pays, un argument appuyé par d'autres participants. Le point avec Placide Niamungere. Parmi ces résultats en cours de vulgarisation par l'École normale supérieure se trouve le vermicompostage obtenu à partir des recherches menées à base de 7 déchets issus de la paille et barres de riz, de la canne à sucre, du contenu ruminal issu des abattoirs du pays, du fumier des vaches, des restes de parmes à huile et des bananes capables d'être transformées par des vers de terre pour la fertilisation du sol. Selon Douiman Oscar, chercheur, les recherches ont été inspirées par la cartographie qui a été réalisée et a eu comme résultat l'acidité du sol burundais à hauteur de 73%, ce qui risque d'impacter la production agricole. Les sols du Burundi sont très déficients en éléments nutritifs majeurs, en azote, en phosphore et en potassium. Aussi, un autre problème des sols du Burundi, c'est un problème d'acidité des sols qui affecte 73% des sols cultivables. Si rien n'est fait, la production ne peut pas être bonne. Selon le recteur de l'université d'Ongozi, de telles recherches constituent une source d'inspiration pour les lauréats des établissements académiques. C'est déjà quelque chose de gagné pour nos facultés d'agronomie, pour la connaissance donc de nos étudiants. La directrice générale de l'École normale supérieure, Nusra Hassan, se réjouit des résultats de ses recherches et pour l'innovation. Pour elle, cela pourrait contribuer à l'émergence du Burundi. Cette année spécifiquement, nous voulons contribuer à l'émergence du Burundi. Nous voulons que la recherche en éducation soit une priorité. Et nous sommes une institution d'enseignement supérieur chargée de la formation des formateurs. C'est pourquoi la recherche en éducation est vraiment une mission. Cette responsable de cet établissement académique, conçu spécialement pour la formation des enseignants, précise qu'LNS envisage en perspective d'encadrer les lauréats de cette université pour qu'après la formation académique soient des personnes capables de se tailler la part du lion en créant leurs propres entreprises ou en contribuant dans la création de l'emploi. Placide Niyomungere, la jeunesse africaine joue un grand rôle dans le développement de leur pays respectif du fait que le taux de la jeunesse est plus élevé par rapport aux autres habitants africains. Cela a été dit ce jeudi par le ministre en charge de la jeunesse lors du lancement officiel de la deuxième édition du dialogue intergénérationnel sur la jeunesse, la paix et la sécurité qui se tient à Bujumbura. Depuis ce jeudi, le président de la République du Burundi qui a officiellement lancé ce dialogue, a exhorté les jeunes Africains d'avoir l'esprit de patriotisme et développer leurs talents dans le domaine de l'innovation et dans le but d'atteindre un développement durable. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h09 dans le studio de la radio Isanganiro, je vous l'annonçais en titre, 490 cas de violences faites aux femmes et aux filles ont été répertoriés à travers les 6 communes de la province de Cibitoke, c'est l'ouest du Burundi. Selon le responsable de la direction provinciale du développement familial et social, 230 cas concernent les violences économiques et sont autres pour les violences psychologiques, 90 pour les violences sexuelles, 70 pour des violences physiques et sur une période de 10 mois. Gérard Hakizimana fait savoir que les cas d'arrangement à l'amiable accentuent le phénomène des violences faites aux femmes et aux filles. Des chiffres révélés lors de la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme à Cibitoke le 12 décembre au chef-lieu de la province. Le point avec Jean-Marie Mayong. Lors des activités de clôture des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre dans la province de Cibitoke, certaines femmes qui ont participé dans ces activités ont signalé qu'elles ont acquis d'autres connaissances en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et qu'elles vont travailler pour sensibiliser les communautés et les faire connaître les actions à mener pour lutter contre ces violences. Jirai Akizimana, responsable de la direction provinciale du développement familial et social dans la province de Cibitoke, Institute Hockey a montré que les violences basées sur le genre sont répertoriées où, dans une période de 10 mois seulement, ils ont enregistré 490 cas. Le chef de cabinet du gouverneur de la province Chibitoke, de son côté, affirme que ces violences existent dans cette province et a invité toute la population, la police, les autorités administratives de conjuguer les efforts pour lutter contre ces violences. Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre débutent le 25 novembre de chaque année et s'achèvent le 10 décembre qui marque la journée des droits humains. Cette campagne offre aux personnes et aux organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. De Chibitoke, à l'ouest du pays, rendons-nous un peu plus au nord en province Ngozi pour parler insécurité. Un corps d'un enfant de 7 ans a été retrouvé le matin de ce jeudi dans une maison sise au quartier Kanyami en ville de Ngozi. Selon le chef de ce quartier, cet enfant a été étranglé par son père qui a pris fuite après ce forfait. Et cet homme a, selon toujours ce chef de quartier, téléphoné un membre de sa famille pour l'informer de ce forfait. Le chef de colline Nyandwi Libé, avec les autres ont défoncé la porte, ont trouvé le cadavre en phase de décomposition. Il avait des blessures sur les jambes. Restons dans cette province d'Ngozi pour parler agriculture. Il y a des grognes des riziculteurs de la Nyakijima 2 en commune et province Ngozi suite au tarissement de leur marais. Ces derniers parlent des infrastructures construites par la société Sogea Satom pour alimenter la ville d'Ngozi en eau comme source de tarissement. Les exploitants de ce marais demandent de changer de l'agriculture, de trouver une solution pour avoir un bon rendement, surtout qu'ils ont des semences de qualité issues de la coopération chinoise. Le directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage Ngozi conseille le repiquage dès maintenant pour profiter de ces pluies quitte à irriguer avec le peu d'eau après. Mais il promet d'en parler avec tous les concernés. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Ce marais Nyakijima 2 de 108 hectares est occupé par 3102 riziculteurs. L'eau continue à tarir dans une partie de cette superficie à cause d'installations faites par la Sogea Satom, alimentant la ville d'Ngozi en eau d'après des moniteurs agricoles qui encadrent la population dans ce marais. Les riziculteurs grognent que la production a chuté dans cette partie la saison précédente à cause de ce tarif. Pourtant, ils parlent d'une bonne production dans d'autres parties qui n'éprouvent pas cette difficulté, surtout qu'ils ont eu des semences de qualité d'Ichibuko de la Chine, d'où ils demandent que ce problème d'eau soit résolu. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture dit être au courant de ce problème. Il recommande le repiquage le plus tôt possible en vue de profiter de l'eau de ces pluies. Cela permettra à Saint-Lô et Mirekubgimana une bonne croissance après le repiquage, quitte à chercher comment compléter ces eaux de pluie après pour avoir un bon rendement dans cette partie hausse. Donc, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Kayanza, pour aller à la rencontre de Iseu Blandine et de Fache, cette jeune fille universitaire de 25 ans. Après les cours le soir, elle fabrique des beignets d'Issa Moussa. Cette activité lui permet de se payer le minerval et pourvoir à ses besoins. Elle appelle d'autres jeunes étudiants à exercer des activités génératrices de revenus pour aider les parents. Le point avec Patrick Nzengiyumva. Cette jeune fille universitaire de 25 ans qui fabrique des samoussa dans la ville de Kayanza fait savoir que cet esprit entrepreneurial a commencé après avoir terminé les études secondaires. Blandine Zeidou Fache fait savoir qu'elle a commencé cette activité de la vente des samoussa avec un petit capital de 10 000 francs burundais, mais qu'aujourd'hui, après 2 ans de travail, elle est en état de se payer même 10 000 francs à l'université. À partir de l'argent gagné dans cette activité de la fabrication et vente des samoussa, Iseu Blandine Zeidou Fache compte même faire l'élevage des lapins. Cette jeune fille entrepreneur à Kayanza fait savoir pourtant que des défis ne manquent pas et là elle donne l'exemple du temps insuffisant pour exercer convenablement cette activité génératrice de revenus et les barrières culturelles selon lesquelles une fille ne devrait pas être à l'extérieur de l'enclos le soir. Iseu Blandine Zeidou Fache conseille aux parents d'élèves et aux étudiants d'éveiller l'esprit entrepreneurial de ceux-ci pour les aider à bien préparer leur avenir. Les habitants de la ville de Kayanza qui exercent leurs activités commerciales près de l'endroit où Blandine Zeidou Fache fabriquait des samboussa apprécient positivement vivement l'initiative de cette jeune fille d'entreprendre une activité génératrice de revenus après les cours. Il déplore aussi qu'il y ait des enfants qui développent le fainéantisme après les cours et n'exercent pas une activité génératrice de revenus. Céline Ndaïsaba, directrice du Centre de développement familial et communautaire à Kayanza, dit se réjouir que la fille et la femme de nos jours en province Kayanza ont déjà accompli que le développement concerne tout le monde et l'homme et la femme. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva du nord du pays Randonou au sud, en province Rumonge, où l'école fondamentale de Mutambara 2 n'a pas de directeur depuis la nomination à d'autres fonctions de son directeur tout au début de ce premier trimestre. L'arrêt des activités nécessitant des retraits bancaires et la signature de certains documents des enseignants actuellement faits par le directeur communal de l'éducation de Rumonge sont les conséquences de cette situation, selon le président du comité de gestion de l'école. Et certains parmi les enseignants à cette école, ils voudraient que cette question trouve solution. Le chargé des ressources humaines à la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge annonce que des procédures administratives sont en cours. Le point avec Jean-Pierre Misago. Depuis fin septembre 2023, que le directeur de l'école fondamentale de Mutambara 2 preste au lycée Rumonge comme économe toutes les activités nécessitant des retraits bancaires au compte de l'école fondamentale Mutambara 2 sont au point mort. Kimwe Ndakuriyo, président du comité de gestion de cette école, dit que même une dallette cassée pouvant entraîner de graves accidents côté élève n'est pas encore remplacé puisqu'il n'y a pas de directeur pour signer le retrait de l'argent au compte de cette école. De son côté, Félix Kazaroho, enseignant à cette école, dit que l'absence du directeur de cette école satellite dans le réseau scolaire de cette localité a été à l'origine du retard dans l'élaboration de l'horaire des examens de fin premier trimestre. Par ailleurs, poursuit Kazaroho, l'obtention d'une attestation de service nécessite du temps pour se rendre à la direction communale de l'éducation de Rumonge. Notamment l'octroi des attestations de service, c'est un problème. Mais moi aussi, il y a une semaine, je voulais avoir une attestation de service et il m'a été tellement difficile d'en avoir. C'est ainsi que je me suis dirigé au directeur communal de l'enseignement qui m'en a octroyé. Ceux-là qui se sont exprimés demandent à l'autorité compétente de trouver solution à ce problème. Interrogé à propos, le chargé des ressources humaines à la direction provinciale de l'éducation de Rumonge répond que les procédures administratives sont avancées pour doter cette école d'un nouveau directeur. Jean-Pierre Misago, depuis Mutambara, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Voilà, 18h19 dans les studios de la radio Isanganiro. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes sur Isanganiro. Mireille Kanyangi.